Mireille Kanyang. Albert Ndouaï assure la mise en onde. Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue à l'écoute de cette édition, la dernière de ce 24 juillet. En voici les grandes articulations. Les intervenants dans le processus électoral sont appelés à adopter un langage responsable dans le but d'éviter des heurts. C'est un clin d'œil de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Une méthode de conservation des récoltes de céréales vient d'être introduite par le ministère burundais en charge de l'agriculture. Les précisions sur le mode de fonctionnement de ces dans ce journal avec le ministre Deogui de Rurema. Dans cette édition, nous parlerons également de ces jeunes de la commune Mawanda en province Makamba qui se sont mis ensemble pour monter un projet de savonnerie. Vers la fin de cette édition, vous aurez la deuxième partie de la chronique éducation sur les vacances scolaires. Rebonsoir et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Débutons cette édition par cette page politique. La Commission électorale nationale indépendante appelle tous les intervenants dans le processus électoral d'adopter un langage responsable afin d'éviter des disputes. Dans une réunion avec les représentants des organisations de la société civile ce mardi, qui veulent se présenter comme des observateurs électoraux lors des échéances de 2020, certains d'entre eux ont posé la question relative à l'inclusivité électorale, vu que pas mal de Burundais réside à l'étranger. Pierre Clavier Kazihise, président de la CENI, a expliqué que les Burundais résidant dans 33 pays auront l'opportunité de voter. Des précisions d'Aubin Niyonkuru. Certains des leaders des organisations de la société civile se sont montrés inquiets quant à l'organisation des prochaines élections, alors qu'il y a beaucoup de Burundais qui résident à l'étranger pour diverses raisons, soit qu'ils ont le statut de réfugiés, soit qu'ils y résident pour d'autres motifs. Le président de la CENI, Pierre Claver Kazihise, a fait la part des deux catégories. Pour les réfugiés, il a expliqué qu'ils n'ont pas le droit de vote, tandis que pour les autres qui résident à l'étranger pour d'autres raisons, qu'ils pourront voter auprès des ambassades ou consulats burundais qui sont en nombre de 33 à travers le monde. Ceux qui vivent à l'étranger sont en deux catégories. Il y a d'abord les réfugiés, ensuite les Burundais qui résident à l'étranger pour l'une ou l'autre raison. Ceux-ci pourront voter auprès des ambassades implantées dans les pays où ils résident. Ils sont en nombre de 33. Pour les réfugiés, ils n'ont pas le droit de voter. Pour que les élections de 2020 soient paisibles, le président de la CENI a demandé à tous les Burundais d'adopter un langage responsable pour éviter les cycles de violence. Sachez que les élections est une compétition entre frères. Celui qui les gagne travaille pour le bien de tous, évitant alors des propos haineux qui risqueraient de diviser les citoyens. Certains des représentants de ces organisations ont aussi voulu savoir le budget précis nécessaire pour la tenue des prochaines élections. La vice-présidente de cette commission leur a demandé d'adresser cette question plutôt au ministère des Finances. Aubin Niyonkuru et le gouverneur de la province Lumonge appellent sa population à s'entendre dans leurs différentes appartenances politiques. Juvenal Bigirimana qui dresse un bilan positif de la cohabitation pacifique dans sa province à la veille des élections de 2020 se réjouit que des cas pouvant perturber cette cohabitation sont réglés à temps. Il demande aux responsables des partis politiques d'informer l'administration sur toute autre activité prévue en dehors de leur permanence. Suivez le gouverneur de la province Lumonge, c'est Juvenal Bigirimana au téléphone avec Placide Niyomungere. Dans la province de Lumonge, dans tous les partis politiques, tous les membres travaillent sans aucun problème. Il suffit tout simplement d'informer la place et le lieu ainsi que la date immédiatement. S'il n'y a aucun problème, on lui donne la permission pour travailler. Je peux confirmer qu'à Lumonge, vraiment les préparatifs vont bon train. L'histoire récente sur Lumonge montre qu'il y avait des permanences qui avaient été endommagées et aussi des membres de certains partis politiques arrêtés. Qu'est-ce qui s'était passé réellement? Aucune permanence n'a été détruite dans la province de Lumonge. Ce qui a été fait, on a entendu qu'il y a eu des monuments, des partis politique. Il y a eu des drapeaux qui ont été volés ici et là. Mais ça a été une question qui a été résolue immédiatement. Suite aux sensibilisations que nous avons pu faire avec la population dans les lieux où on a découvert cela, maintenant la situation est calme. Vous voulez dire, Karl Mongé, il est possible de porter des insignes de n'importe quel parti politique sans être inquiété? Oui, à Rumongue, vraiment tous les partis politiques travaillent. Moi, en tout cas, moi, je n'ai jamais entendu un parti politique disant qu'on a interdit les réunions. Quel est l'appel que vous lancez à l'endroit de ces partis politiques et autres parties prenantes pour les élections de 2020? Et je demande à la population de Rumongue d'être toujours calme, de considérer les moments des élections comme des moments de joie et non pas des moments de stress. Troisième chose, c'est aux représentants des partis politiques de montrer réellement leurs adhérents ou bien leurs membres et que appartenir à un parti politique, que ce n'est pas faire la guerre. Isanganiro, la radio de l'avenir. Poursuivons cette édition par cette page sécurité. Le ministère burundais de la sécurité publique appelle les habitants de la zone urbaine de Buterere 2 à saisir la police de cette zone, même si les enquêtes sont en cours. C'est au moment où 23 familles de la zone et quartier 4 Buterere 2 disent être menacées par leurs voisins policiers. Cela fait bientôt 6 mois et l'accusé indique que ce sont de fausses accusations. C'est que plutôt parmi ces gens, il y a ceux qui jettent des pierres sur sa maison pendant la nuit. Pierre Nguriquié, porte-parole du ministère burundais de la sécurité publique, indique que celui ou ceux qui seront jugés coupables seront punis conformément à la loi, que ce soit ses habitants ou ses policiers. Parlons agriculture à présent. Le sac PIX est une nouveauté dans la conservation de la production agricole, en l'occurrence les céréales, en vue de les protéger contre les bruches. Une annonce faite ce mercredi par le ministre burundais de l'Environnement, l'Agriculture et l'Élevage dans un point de presse. Dogi de Rurema indique que ce projet s'inscrit dans le cadre du développement du secteur agricole. Après usage, ces sacs seront collectés, recyclés pour produire d'autres outils utiles pour l'agriculture. Les détails avec Charles Macotte. Les sacs PIX sont des sacs hermétiques de graines à 3 sachets fabriqués dans le but de réduire les pertes de stockage post-récolte, dit le ministre Deo Guiderulema, une alternative aux faibles techniques des moyens de conservation et aux technologies endogènes utilisant des produits chimiques. Des technologies endogènes ont été développées par les agriculteurs et en utilisant des produits chimiques qui ont été depuis longtemps proposés comme une méthode de lutte contre les pertes post-récolte, plus particulièrement pour haricots. Toutefois, le coût et la disponibilité de ces produits rendent leur utilisation problématique, surtout pour les agriculteurs à faible revenu. Bien que ces sacs dont le prix d'achat revient à 5 800 la pièce ne sont pas biodégradables, le ministre de l'Environnement et de l'Agriculture fait savoir que le projet prévoit le recyclage des 10 sacs dans d'autres produits utiles à l'agriculture. Les sacs PIX ne sont pas biodégradables, mais nous avons dans la conception de ce programme, il y a une étape où après 3 ans, parce que les sacs PIX peuvent garder la production pendant 3 ans sans son détérioré au niveau de la population. Nous avons prévu une unité de transformation qui va faire le recyclage de ces sacs PIX en d'autres produits comme les sauts, comme les arrosoirs et d'autres. Et ces produits vont être utiles toujours au niveau de la population des agriculteurs. À la question de savoir si les investisseurs privés peuvent investir dans l'importation de ces sacs PIX, le ministre répond que dans le but de protéger la population des spéculations, seul le ministère aura le monopole d'importation de ces sacs. Le ministre a indiqué qu'un stock de 59 000 sacs est déjà disponible et que son ministère s'est engagé dans la sensibilisation de ses partenaires afin d'intégrer dans les activités un volet de facilitation d'accès par la population à ces sacs PIX. Parlons commerce à présent. Les commerçants du marché de Kanyosha en réhabilitation au sud de la capitale Bujumbura opèrent aux alentours de ces derniers. Ces commerçants ont été obligés de déménager du marché provisoire suite à des travaux de construction d'une école. Ils réclament le retour dans leur marché. Les gestionnaires du dit marché tranquillisent que d'ici peu, les travaux vont redémarrer. Des précisions de Moïse Misago. Il y a 4 mois que ces commerçants exercent leurs activités en dehors de ce marché. Ces commerçants disent qu'ils sont menacés par le soleil accablant. Cela étant, ils apprécient favorablement en disant qu'à cet endroit, ils écoulent facilement leurs produits comparablement au marché provisoire où ils étaient. Là où nous étions là-bas, en bas de la route Lumongue, là où nous étions, ils nous ont déménagé vers ici, en dehors du marché de Kanyonche. Ce sont les autorités qui nous ont déménagé vers ici, à côté du marché de Kanyonche. En général, notre activité ne marche pas très bien parce que là où nous sommes, il y a des soleils qui nous menacent du jour au jour. Même s'ils apprécient, ils demandent le finissage des travaux de réhabilitation de leur marché. Ce nous demandons aux instances d'habilité n'est autre que ces derniers puissent nous rétablir dans nos droits parce que nous avons versé les frais de réhabilitation. Nous avons même des bordéraux. Nous attendons toujours. Nous demandons au commissaire du marché de vider cette affaire. Demander au gestionnaire du marché de faire tous les moyens possibles pour que nous puissions entrer dans le marché. Les gestionnaires de ce marché qui ont déménagé ces commerçants du marché provisoire indiquent que cet endroit était destiné à la construction d'une école. Athanase Mazarahisha, l'un des membres du comité de gestion de ce marché, tranquillise ces commerçants que les travaux de réhabilitation vont reprendre bientôt. Il demande aux commerçants de payer les frais de réhabilitation. Ces commerçants qui sont aux alentours, c'est nous qui les avons installés là-bas en collaboration avec la mairie et les autorités communales parce que la place que nous avions auparavant, l'État l'a utilisée pour la construction d'une école. Nous, quand nous y sommes installés, c'était provisoire d'abord. Mais nous avons l'espoir que d'ici la semaine prochaine, les travaux vont continuer. D'ailleurs, ils avaient commencé. Les tours que vous voyez ici serviront à achever la construction. Je lancerai même un appel aux commerçants eux-mêmes pour qu'ils contribuent en matière de fonds. Sur cet marché récemment réhabilité à mairie de Bujumbura, 2 seulement n'ont pas encore ouvert ses portes. Il s'agit du marché de Kanyosha et celui de Kinahama. Moïse Misago, je voulais annoncer un titre. 6 jeunes ayant terminé leurs études, ils sont de la commune Mabanda en province Makamba. Ils sont membres de l'association Savonori Terimbere. Ils disent être satisfaits du pas franchi dans leur auto-développement. Toutefois, l'insuffisance du matériel approprié est l'une des difficultés auxquelles ils font face et demandent de l'appui matériel. Des précisions de Jérôme Hakizimana depuis Makamba. Ces 6 jeunes chômeurs, membres de l'association Terimbere de Mabanda qui fabrique des savons, indiquent qu'ils ont lancé le projet avec une contribution de 15 000 francs pour chacun. Ils témoignent qu'aujourd'hui, ils parviennent à fabriquer des savons de différentes sortes et qualités grâce au crédit contracté dans une microfinance dans le but d'augmenter le capital. Ces jeunes ajoutent qu'avec les bénéfices encaissés, ils sont capables de couvrir tous les besoins vitaux sans faire recours à toute une personne tierce. Malgré cela, ces jeunes regroupés au sein de l'association Terimbere déplorent l'insuffisance d'équipement. Il nous faut du temps supplémentaire pour produire beaucoup suite au manque de machines appropriées dans la fabrication du savon, déplorent ces jeunes qui plaident pour un financement quelle que soit sa forme. Au niveau de l'administration, Laetitia Nyonguru, l'administrateur de la commune Mabanda, se réjouit de cette initiative et demande aux autres jeunes de se servir de son modèle pour leur autonomisation. L'administrateur de la commune Mabanda révèle également que désormais, les jeunes qui présenteront des projets de leur associations ou coopératives se verront financées à partir de 570 millions attribués annuellement à chaque commune. Depuis Mabanda, Jérôme Akizimana, Radio Isanganiro. De Makamba, rendons-nous au centre du pays pour parler santé. Les gens qui ont des séquelles causées par la lèpre dont ils ont souffert demandent qu'ils soient aidés en leur faisant apprendre des métiers ou par l'octroi des capitaux de démarrage du petit commerce. Il remercie le Centre national d'appareillage et de rééducation Sénar de Gitega qui fait tout pour traiter leur handicap et un employé du Sénar Gitega qui suit de près ces malades en convalescence et leur demande d'assurer la propriété de leur corps une fois retournés dans leur ménage. Radio Isanganiro, chronique éducation. Place à la chronique éducation de ce mercredi. Les parents devraient suivre de près leurs enfants en vacances scolaires plus que pendant la période d'école pour leur apprendre la vie courante et l'expérience psychologique et pédagogique. Prévient aussi qu'une fois les vacances mal organisées ou ignorées, l'apprenant peut se décourager puis abandonner l'école. Dans notre précédente chronique éducation, l'on vous a expliqué que les vacances scolaires constituent une opportunité de repos mental. Alexis Ndeï-Ziguié demande aux apprenants et éducateurs de rendre utiles les vacances scolaires. Les détails, c'est dans cette chronique d'Eline Bell Nibigira. Les vacances scolaires constituent un avantage social. Dans notre précédente chronique éducation, l'on vous avait donné la définition des vacances scolaires et surtout que ce n'est pas l'occasion de croiser les bras, mais plutôt changer d'activité. Selon Alexis Ndeï-Ziguié, expert en psychologie et éducation, les vacances sont un élément qui rassemble les parents et leurs enfants pour leur apprendre une autre vie courante qui n'est pas scolaire. De plus, ces vacances ont un impact positif au niveau psychologique. Au niveau psychologique, l'enfant a en lui la conscience de repos, la conscience de détente. Il n'a pas d'horaire qui est fixe, il se sent psychologiquement détendu. Dans ce cas, l'enfant est libre. Pour les élèves, les vacances est un moment d'améliorer les compétences personnelles qui viennent enrichir les compétences scolaires. Les apprenants ne devraient pas croiser les bras pendant les vacances. La responsabilité revient dans ce cas aux parents qui doivent suivre de près les activités de leurs enfants pendant les vacances. Pour ceux qui n'en sont pas capables, ils devraient chercher des encadreurs ou encore les envoyer chez leurs grands-parents pour les enfants citadins, comme toujours expliqué par le psychopédagogue Alexis Ndeï-Ziguié. Quant aux parents qui ne peuvent pas coordonner des activités des enfants pendant les vacances, c'est un impératif de chercher dans son milieu proche des professionnels de l'éducation, ou bien ceux qui n'ont pas de moyens peuvent envoyer les enfants chez les grands-pères ou les grands-mères dans la campagne où ils vont apprendre à garder les vaches et à cultiver les champs, à aller puiser de l'eau dans les marigots, à quitter le milieu urbain pour connaître la nature des milieux campagnards. Mais quelles sont les conséquences au cas où les vacances scolaires n'auraient pas lieu? L'expert en psychopédagogie dit que l'une des conséquences est que l'apprenant peut même renoncer à l'école. Au cas où les vacances n'auraient pas lieu, les enfants d'abord se découragent. Passer une année sans vacances, c'est la fatigue. Les enfants, dans ce cas, ils commenceront à être désintéressés face aux apprentissages. Dans ce cas, certains pourraient abandonner. Il y a un autre aspect psychologique, le surmenage. Cet expert en sciences psychologiques et pédagogiques appelle les parents à ne pas laisser leurs enfants inoccupés ou s'occuper d'activités inutiles et surtout passer beaucoup de temps devant les écrans. Point final à cette édition de cette soirée du 24 juillet. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Albert Andouayo qui assurait la mise en onde. Une excellente soirée à tous et à tous. Au revoir. Mireille Kanyang.